major, ça major. Yo, regarde un peu comment les années se défilent. Les gros faut qu'on se faufile dans le rap. Par tous les moyens, faut pas qu'on dérape ni lâcher la grappe, hein. J'espère qu'à ce temps-ci tu connais ma force de frappe, hein. Avec un petit dans mes veines, j'ai la même envie de faire un coup d'état dans le rap, c'est franc et son système. Système, je te ferai écouter ma queue comme dans une soirée de sous système. Alors n'essaie pas de chercher des problèmes. C'est quand je te regarde droit dans les yeux, c'est là que tu me fais de la peine. Le but, je le malmène pour mes manes incarcérées qui font des longues peines. De Fleury à Villepinte, la santé est freine. La santé est freine. Négro, qu'est-ce que je pourrais dire à part qu'il y a des mauvaises news. Les bâtards prennent de l'ascension, ils marchent sur nos joues. Ça fait coup d'état, au gomme gomme, comme un coup d'éclat. Tout éclat, les dom dom, jusqu'à mon Tchekar. Coup d'état microphonique, sans l'atmosphère, ma carte, la gare à la basilique. Où se mêlent, bordel les flics par centaines. Cette société nous pousse, tous, tous, net en quarantaine. En quarantaine. Négro, c'est funeste comme quand ex-mortis est homme. Et envoie des bonnes nouvelles de l'école, Nantogiken. Dans la pénombre se développe des races spécimens. Les créatures odieuses fumant des buzz ici même. Changer les règles, toujours les mêmes. Ça nous emmerde, brisons ce système. Changer les règles, toujours les mêmes. Ça nous emmerde, brisons ce système. Compte à rebours amorcé, imprévisible comme un attentat. J'annonce la vendetta, prémédité pour le coup d'état. Mission prise d'otage, irréversible, tout le monde à terre. C'est un carnage ultra violent à conséquences terribles. De plus personne ne bouge, je suis insensible. À force de prendre des coups sur coups, d'un coup de maître, je ne rate jamais ma cible. Ramène le boss qu'on extermine car on est plus massif. Vers sa major, une tire à gage, impulsif, explicite. Expédition punitif. À chaque prestation au chrome, je commets des crimes comme un fugitif. Toujours en mode furtif, on est sous, c'est la jungle. Johan Chiro, fumeur de spliff au visage expressif. D'état, parce que la merde dans nos quartiers l'étale. L'état rien à foutre car il se fout de mon état. Donc je coule l'état. L'état comme une tasse, c'est le profit possible. Mec, coule l'état. Pourquoi obtempérer? Autant périr pour ma cause. Tant pis, depuis trop longtemps les tapis payés, ils payeront la cause des blocs dans la manne. Pour ton pays à Draman, allez t'es face à mes pyromanes. Révolution, révolte du peuple, gueule chargée, destruction. Mes fauves sortent de l'angle, tous feux de rage, dégradation. Danger comme méga dans son, dégâts comme un terroriste en plein action. Leur sa major en plein action. Changer les règles, toujours les mêmes. Ça nous emmerde, brisons ce système. Changer les règles, toujours les mêmes. Ça nous emmerde, brisons ce système. Changer les règles, toujours les mêmes. Ça nous emmerde. Changer les règles, toujours les mêmes. Ça nous emmerde. Changer les règles, toujours les mêmes, ça nous emmerde. Changer les règles.